Ça gehen sollte. J'avais pas prévu de prêcher aujourd'hui parce que normalement on devait seulement entendre le témoignage aujourd'hui. But around around 3-4 o'clock, the Lord woke me up with this message. Aber der Herr hat mich mit dieser Botschaft aufgeweckt nachts. Mais vers 3-4 heures, l'Éternel m'a réveillé avec ce message. Just woke me up and said, write it down. This should be the message. Er hat mich aufgeweckt und gesagt, ich soll das aufschreiben. Il m'a réveillé et m'a dit de l'écrire. And I wrote it down, then I went to bed again. Und ich habe das aufgeschrieben und bin dann schlafen gegangen. Et c'est ça que j'ai fait. Après, je me suis rendormi. Je me suis recouché. Amen. Amen. The first message of the year. Die erste Botschaft in diesem Jahr. Le premier message de cette année. He said, be open unto me always. Wir sollen immer offen sein. On doit toujours avoir un cœur ouvert envers le Seigneur Jésus. Be open unto Christ always. Wir sollen immer offen gegenüber Christus sein. On doit toujours avoir un cœur ouvert envers Jésus-Christ. Don't do things in secret. Wir sollen nichts im Verborgenen tun. On doit pas faire les choses en cachette, dans le secret. Satan loves secrets. Der Satan liebt Geheimnisse. Le diable aime les secrets. Amen. Amen. He loves secrets. Er liebt Geheimnisse. Il adore les secrets. The Bible calls him, call him the prince of darkness. Die Bibel nennt ihn den Fürst der Finsternis. That's the devil. Un des noms du diable aussi le prince de l'obscurité. Secret. Geheimnisse. Darkness. Dunkelheit. L'obscurité, les secrets. Amen. Amen. The ignorance. Auch Ignoranz. L'ignorance aussi bien. Amen. Amen. He will want you to be blind. Er möchte, to be blind to him and to God. Blind gegenüber ihm und Gott. Il veut qu'on soit aveugle, aveugle envers Jésus-Christ et même aveugle envers lui-même. Don't believe that God, Christ is there. Don't believe also that I'm there. Er möchte, dass du nicht glaubst, dass Christus da ist, und er möchte auch, dass du nicht glaubst, dass er da ist. Il veut pas que tu crois en Jésus-Christ, mais non plus que tu crois en lui, parce que si tu es ignorant, c'est là qu'il a sa victoire. Amen. Amen. Don't do things in secret. Tue Dinge nicht im Verborgenen. Ne fais pas les choses en cachette dans l'obscurité. Don't sneak to visit people. Besuche Leute auch nicht im Verborgenen. Ne te cache pas pour aller visiter des gens. Or people visiting you. Oder lass auch nicht Leute dich im Verborgenen besuchen. Ou alors que d'autres personnes viennent te voir I aussi. Hope you. I don't know if you understand. Amen. Amen. Ah, you know, the Lord is not saying don't visit people, but in Christ Jesus. Der Herr sagt nicht, dass du Leute nicht besuchen sollst, aber tu das in Christus Jesus. Notre Seigneur ne dit pas de ne pas visiter les gens, mais quand tu le fais, ton motif doit être Jésus-Christ lui-même. Let it be to preach Christ. Es soll sein, Christus zu feiern. Si tu visites les gens, tu dois le faire pour prêcher Jésus-Christ. Your real life is Christ. Denn dein wahres If Leben you ist come Christus. Wenn du zu ihm kommst. C'est parce que si tu viens vers Jésus-Christ, ta vraie vie est Jésus-Christ. He said, allow Christ to know everything about you. Lass du das Christus alles über dich weiß. Your decision. Permet que Jésus-Christ connaît chacun de tes pas. Amen. Chaque pas. Allow him to know everything about your thoughts. Lass du, dass er alles über deine Gedanken weiß. Permet qu'il connaisse toutes tes pensées. In Colossians 1:18. Dans Colossiens 1:18. The Bible calls him the head of the church. La Bible nennt ihn den Kopf der Gemeinde. La Bible l'appelle la tête de l'assemblée. Please quickly go there. Amen. Colossians 1:18. Don't hide anything from the church. That is the first step Satan will want to use to steal, kill and destroy. Das ist der erste Schritt, den der Satan benutzt, zu töten, zu stehlen und zu zerstören. C'est ça la première chose que le diable utilise pour te détruire, pour voler, te tuer. Colossiens 1:18. Are we there, please? And he is the head of the body. You know, there is no body without a head. People have heads. Or have you seen anybody without head? Il n'y a pas de personne qui a seulement un corps sans tête. Amen. Amen. He said Christ is the head of the body. Christus ist der Kopf des Leibes, amen, der Gemeinde. Christ est la tête de son corps qui est l'Église. It means It means if Christ is not the head, you have another head, which is Satan. Heißt, wenn Christus nicht der Kopf ist, hast du einen anderen Kopf, und das ist der Satan. Ça veut dire que si Jésus-Christ lui-même n'est pas la tête, ça veut dire que tu as une autre tête et cette tête va être automatiquement le diable. Again, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminency. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'on... En toute chose, il est le premier roi. Amen. He said he is the head of the body, the church. It means the church is the body. Das heißt, why he is the head? Die Gemeinde ist der Körper und er ist der Kopf. Ça veut dire que Jésus-Christ est la tête et le corps et l'Église, donc il est de l'assemblée. If you use your body as an example, the head, then you have the other parts of the body. If Christ is here, then the other part is the church. Wenn Christus der Kopf ist seines Körpers, dann wäre der Rest seines Körpers die Gemeinde. Si on compare ça par exemple avec notre propre corps, Jésus-Christ doit être notre tête, et si Jésus-Christ est la tête, tout le reste du corps sera automatiquement aussi lui-même, ça sera l'Église alors. That is what is supposed to be. Das sollte sein. So sollte Gemeinde aussehen. Et c'est comme ça que l'Église doit être normalement. It is a pity that it's not so. Aber leider ist das nicht so. Mais malheureusement, souvent, c'est pas le cas. You and me, we are the body. Du und ich, wir sind der Körper. Toi et moi, on est le corps. The ministry is the body. Die Gemeinde ist der Körper. L'Église est le corps. No wonder the Lord was always after his body before he left. Deswegen war der Herr immer besorgt um seinen Körper, bevor er gegangen ist. C'est pour ça que notre Seigneur a toujours cherché ses membres avant qu'il quitte cette terre. Remember when he was preparing to leave. His message was always be there for one another. The body should work together. Are you getting it? You know, the hand will not say, my leg, I don't need you. You cannot walk with your hand. The eye will not say, my eye, I don't need your hand. I don't need the hand. We to walk together as one family, the family of Christ. Bevor der Herr gegangen ist, war er besorgt über den Körper. Deswegen hat er immer darum gebeten, dass wir eins sind in Christus. Weil die Hand kann nicht sagen, dass sie das Auge nicht braucht. Oder der Fuß kann nicht sagen, dass er den Ellenbogen nicht braucht. C'est pour ça qu'avant que Jésus-Christ monte aux cieux, il a toujours voulu qu'on soit unis, qu'on doit s'aimer et s'aider les uns les autres. C'est pour ça, son Église, donc nous on fait partie de l'Église, on est les membres. Et par exemple, la main ne peut pas dire au pied qu'on n'a pas besoin de toi, ou alors l'œil ne peut pas dire à l'oreille qu'on n'a plus besoin de l'oreille. Praise the Lord. On va s'aider et s'aimer les uns les autres. Amen. Amen. You know what I'm saying now is in 1 Corinthians 12, from verse 12. Let's quickly go there, please. Quickly go there. 1 Corinthians 12. Quickly go there. 1 Corinthians 12, verset 12. It says, for as the body is one, I had many members. And all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. Praise the Lord. Please let us be one. 1. Korinther 12:12, denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Deswegen sollen wir bitte eins sein, Christus. Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In a living church, all the children, the citizens, they are always one. In einer lebendigen Gemeinde sind all die Leute in der Gemeinde, die Bürger in der Gemeinde, die Bürger des Königreiches eins. Dans une église vivante, tous les membres de cette église sont toujours un, ils sont toujours unis. If something is happening to one, it's happening to all. Wenn etwas einer Person passiert, passiert es allen. Si une situation arrive à une personne, elle arrive à tout le monde. You know, if you look at Acts 5, Acts 4, you know, all that of, you know, the disciples, he said they were one in all. Wenn wir uns die really Geschichte anschauen, dann steht da, dass sie in allem eins waren. Er will, dass wir eins sind mit ihm. Dans Actes des Apôtres 4 et 5, on peut vraiment voir que tous les disciples, ils étaient unis, ils étaient un en Jésus-Christ. Et c'est la même chose qu'on doit être ici aujourd'hui. Please go and read that again. Amen. Mm. Lest euch das bitte mal durch. Acts 4 and 5. Apostelgeschichte 4 und 5. Lisez ça encore une fois chez vous à la maison. Acte 4 et 5. And see how they were one. And whoever fight them, fight the Holy Spirit. Amen. Da sehen wir, wie sie eins waren. Wer immer sie angegriffen hat, hat den Heiligen Geist angegriffen. Là, on peut voir vraiment comment ils étaient unis. Chaque personne qui a attaqué un des apôtres, il a attaqué automatiquement le Saint-Esprit. Why? Because they were one in Christ. Whoever fight them, fight the Holy Ghost. Because they were one in Christ. Sie bekämpft den Heiligen Geist, weil sie eins waren, Christus. Et la raison pour laquelle ils ont les gens qui les ont attaqués ont combattu le Saint-Esprit était parce qu'ils étaient unis en Christ. Si vous êtes unis en Christ, vous avez le Christ et le Saint-Esprit en vous et c'est lui qui combat vos combats. Praise the Lord. Alléluia. If you read here also, what here we just read, and you continue to read it, amen. You read it also, even to the end. You can see that he said, if one suffer, all suffer. Oder auch am Ende steht hier bei dem Kapitel auch, dass wenn einer leidet, leiden alle. Et dans le chapitre qu'on vient de lire, si on continue vers la fin, il est aussi écrit que si un d'entre nous souffre, tout l'assemblée souffre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know why? Because of the blood. Wegen dem Blut. The same blood. Amen. We have the blood of Christ. Blut von Jesus Christus, das wir alle haben. Amen. Et tout ça à cause du sang qu'on a. On a tous le même sang, on a le sang de Jésus-Christ. You know how we value our natural family. Ihr wisst, wie wir unsere natürliche Familie, in the world. Als wie wir unsere natürliche Familie geschätzt haben, als wir noch an der Welt waren. On valorisait vraiment notre famille charnelle quand on était encore dans le monde. Here should be more now. Und das Blut von Jesus sollst du mehr wertschätzen. Because Christ's blood is greater than the natural blood. Amen. Blut von Christus größer als das natürliche Blut. Amen. Et mais aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, on doit valoriser notre famille en Christ encore plus, parce que le sang de Jésus-Christ est beaucoup plus puissant et plus précieux que le sang naturel. Don't see that problem, you know, each other, that your problem is not my problem. Your problem is my problem. Amen. Glaube nicht, dass das Problem der anderen nicht dein Problem ist, sondern ihr Problem ist auch dein Problem. Tu dois être conscient que le problème de ton frère ou ta sœur est aussi ton problème, parce que vous êtes un en Christ. Praise the Lord. Alleluia. He said the flesh is always a toy for the spiritual world. Das Fleisch ist eine Marionette für die geistliche Welt. Parce que la chair est toujours une marionnette pour le monde spirituel. It means you are always a toy. For the spiritual world. Das heißt, du bist immer eine Marionette für die geistliche Welt. Ça veut dire que toi-même, sans Jésus-Christ, tu es toujours une marionnette pour le monde spirituel. No one is free from the spiritual world. Niemand ist frei von der geistlichen Welt. Personne est libre, ouais, est libre du monde spirituel. Without the spiritual world, there is nothing like the natural world. Ohne die geistliche Welt gibt es die natürliche Welt nicht. Parce que sans le monde spirituel, n'existe pas le monde naturel. Le monde Amen. Remember when God created the earth, he said, let them have it. You know, we came from him. Everything here, they are coming from heaven. But they are the here too. Satan made them the fake. Alles von hier ist eine Kopie des Himmels, aber natürlich hat Satan all das verunreinigt. Parce que tout ce qu'on a ici sur ce monde est une copie, une photocopie de ceux qui existent dans le royaume des cieux. Mais le problème, c'est qu'on a permis le diable à polluer tous ces biens qui nous appartenaient, parce qu'on vient du Christ, on vient de Dieu lui-même. And so now it's not only Christ that is of the spirit. Satan is also of the spirit. Nicht nur Christus ist Geist, auch der Satan ist Geist. Et c'est pas seulement Jésus-Christ qui est esprit, le diable aussi est esprit. And both control the physical world. Und beides kontrolliert die physische Welt. Et ces deux puissances contrôlent ce monde. They are going to they are going to control your life. One of them. Whoever, if you say yes to Jesus, he will control your life. Mm-hmm. But if you say no to Jesus, it will be automatic yes to Satan. Amen. And he will control your life. Und, for us, some of us, it's just a reminder also. Amen? Amen. Und weil es nur diese zwei Mächte gibt, wird dein Leben entweder vom Satan kontrolliert oder von Jesus Christus. Wenn du dich gegen Jesus Christus entscheidest, bist du automatisch für den Satan und vom Satan geleitet. Amen. Comme récemment ces deux puissances qui contrôlent ce monde, c'est une de ces deux puissances qui va contrôler ta vie. Si tu dis non à Jésus-Christ, tu dis automatiquement oui au diable, et c'est lui qui va diriger ta vie. Your life, your thoughts, your ways, your desire, your motive, your value. What you love and what you hate. Connect everything to Christ. Remember Christ before any other thing, please. Weißt du, dass alles von dir Jesus Christus ist, deine Werte, deine Wünsche, deine Vorstellungen. Your decision. Deine Entscheidung, deine Motive, alles soll von Christus sein. Erinnere dich an Christus. Tu dois te rappeler au Christ à chaque moment. Donc tes pensées, tes désirs, tes valeurs, tout ça doit baser sur Jésus-Christ. You know, Christ or Satan, they are going to control your joy, Christus your peace, oder Satan wird deine your rest, Frieden oder deine your Freude decision. Oder deine Ruhe, deine Entscheidung kontrollieren. Parce que le diable ou le Christ lui-même vont contrôler ta joie, ta paix, ton repos, et c'est à toi de qui tu vas laisser contrôler ta vie. In all, he is telling us to allow him to occupy our mind. In allem sagt er uns, wir sollen zulassen, dass er unsere Gedanken, unsere Seele gibt. C'est pour ça qu'on il nous dit dans sa parole qu'on doit lui le permettre à occuper nos pensées, notre cœur, nos Don't hide anything from the church, please. Verberge bitte nichts von der Gemeinde. Ne cache rien devant l'église, s'il te plaît. Amen. Amen. We are one family. Wir sind eine Familie. On est une famille. Remember the blood of Jesus. Erinnere dich an das Blut von Jesus. Rappelle-toi au sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Again, the message is not run away from your natural family. Die Botschaft lautet nicht, flüchte von deiner natürlichen Familie. Encore une fois, le message n'est pas titré, non, le sujet du message n'est pas de quitter ou de fuir sa famille naturelle. The message is, your gathering with them at any time should be in Christ Jesus. Die Botschaft ist, dass deine Versammlung mit ihnen immer um Christus geht. Preach Christ today. Predige Christus zu ihnen. Tomorrow may be too late. Morgen ist schon zu spät für sie. Mais le message est que quand à chaque fois que tu te rassembles avec tes membres, avec tes bien-aimés, que ce soit les gens de ta famille ou des amis, que ton motif à toi-même est Jésus-Christ, que tu leur donnes la vérité, que tu leur prêches la vérité à chaque fois que vous rencontrez. The book of Romans, he said, own no man anything but love. Mm-hmm. Don't own them anything but love. And what is love? Christ is love. Amen. You are owing them Christ. Wir schulden ihnen Christus. Tu dois savoir que dans le Romain il est écrit que la seule chose que tu dois à tes bien-aimés ou alors à ton prochain est l'amour de Dieu. Et l'amour est Jésus-Christ. Donc la seule chose que tu dois à ton prochain c'est Jésus-Christ. You know we here we might not be there when you gather with them. Wir sind vielleicht nicht dabei, wenn du dich mit ihnen versammelst. On n'est peut-être pas là quand tu te réunis avec eux. Now you cannot hide things from the spiritual world. Du kannst nichts vor der geistlichen Welt verbergen. Mais tu peux rien cacher devant le monde spirituel, que ce soit Jésus-Christ ou le diable. They both know you. Sie kennen dich. Tous les deux te connaissent. In art, you know, that demon, he said, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? Mm. I know them, but what about you? Mm. You know, you cannot hide, you know, remember? Ananias and Sapphira. They thought they were deceiving the church. Die dachten, dass sie die Gemeinde hintergehen. The people. He mentioned. But Paul, Peter said, why did you lie to the Holy Spirit? When you lie to the Holy Spirit. Wenn ihr eine Person hier anlügt, lügt ihr den Heiligen Geist an. Rappelez-vous de Ananias et Saphir par exemple. Ils ont cru qu'ils étaient en train de mentir aux gens de l'église, mais l'apôtre leur a dit que pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Parce que si vous mentez à un frère et sœur qui est un enfant de Dieu, là tu mens automatiquement à Jésus-Christ lui-même. You know why here is like that? Because here is a living church. Und das ist hier so, weil hier eine lebendige Gemeinde ist. Et c'est la même chose avec d'autres églises ici, parce qu'on est dans une église vivante. You know, in religious churches, when you go there, you just go there, just put your money in the basket, then go home. You know, just listen to the message or whatever they are saying. Just, you know, everyone mind their own business. It is not a relationship that is based on, you know, Christ alone. It is everybody mind their business. But here, there's nothing like that. It's all about Jesus. In einer religiösen Gemeinde, da stempelt man sich ein und aus und man hat mit den Leuten nichts zu tun. Man kennt die Leute links und rechts voneinander, die neben einem sitzen, kennt man nicht, oder die vor einem sitzen, kennt man nicht. Und man will sie auch nicht kennen, weil man ist einfach nur hier, um das dann zu hören und dann wieder nach Hause zu gehen. Aber in einer lebendigen Gemeinde ist es so wie in der Apostelgeschichte, dass alle ein Herz und eine Seele haben in Christus. Dans les églises religieuses, par exemple, il y a pas de relation entre les membres de l'église, parce que chacun vient, ils donnent leurs offrandes et ils rentrent chez eux et ils continuent avec leur propre vie. Mais or que dans une église vivante comme on l'a ici, le problème du prochain est aussi ton problème à toi. On a une relation entre nous parce qu'on a une relation avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We stop there. We end the message there. I don't know, maybe the Lord will still want us to go into it on Wednesday or we go into other things and say, guide and lead us. Amen. Amen. Die Botschaft hört heute hier auf und am Mittwoch werden wir eventuell weitermachen mit der Botschaft. On va arrêter avec le message maintenant et peut-être qu'on va continuer dans les jours qui viennent avec le message si l'Éternel le veut. Praise the Lord. Hallelujah.